Unité 4, 1, B. Bonjour et bienvenue sur le Week-end en musique, notre émission hebdomadaire consacrée au panorama musical du week-end. C'est une émission vraiment extraordinaire aujourd'hui. Demain, c'est la fête de la musique et c'est un week-end bien chargé qui s'annonce avec des concerts, des récitals, des performances musicales de toutes sortes. Parmi les propositions les plus intéressantes, le concert du groupe R samedi à Paris, celui d'Amadou et Mariam à Montpellier, celui de vendredi sur la place Charles de Gaulle de Lille, de Linda Lemay, et le concert de Benjamin Biolay à Lyon. Nous voulons tout d'abord parler avec vous, chers auditeurs, connaître votre opinion et savoir si vous allez voir ces artistes. Nous vous rappelons notre téléphone, c'est le 01 34 45 47 18. Prenons notre premier appel. Allô, bonjour, je vous écoute. Bonjour. Bonjour, d'où appelez-vous? De Lyon. De Lyon. Et que pensez-vous du concert de Benjamin Biolay programmé pour vendredi? Personnellement, je ne suis pas vraiment fan. Je n'aime pas trop son style, mais je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. Eh bien, merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Nous avons un deuxième appel. Bonjour, nous vous écoutons. D'où appelez-vous? Bonjour, je vous appelle de Lille. De Lille. Et comptez-vous aller au concert de Linda Lemay? Malheureusement non, c'est vraiment dommage parce que j'adore Linda Lemay. Elle a de très belles chansons et j'aime beaucoup sa voix. J'espère avoir une autre occasion d'aller la voir. Mais samedi par contre, je veux aller à Paris au concert de R. Vous aimez donc la musique électronique? Oui, et j'aime bien R. Ce n'est pas le genre de musique électronique que je préfère, mais j'aime bien ce mélange pop-rock électronique. Cool. Bien, merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Voici notre troisième appel. Bonjour, on vous écoute. D'où appelez-vous? Salut, j'appelle de Montpellier. De Montpellier? Et comptez-vous aller au concert d'Amadou et Mariam? Ouais, je suis super fan d'Amadou et Mariam. J'adore leurs chansons, leur énergie. Et en plus, en direct, ils sont incroyables. Alors, vous recommandez à tout le monde d'aller au concert d'Amadou et Mariam? Sans aucun doute, ils sont fantastiques. Merci de votre appel.